Yo. Quand je suis plein ou quand y'a rien, je suis avec des putains de galériens, ni humains, ni face de chien. Pour le butin, ils se cassent les reins, c'est les putains, l'état qui trinque. Comment ça, on mange pas nous? Faut que j'en fume, je comprends pas, on brasse pas nous? Hein? Y'a un truc qui cloche, comme ces intrus qui tapent l'incruste dans les shows hip hop. Mais vas-y, nique ça, remet. On est des vrais, donc vas-y, clique et remet. Faut pas que je flanche, moi je suis passionné. Mon avenir, c'est comme la blanche moucheron, il me passera pas sous le nez. Sur la tête de mes moucherons, tête de mes pochons, taille de mes pochetrons qui veulent du cash money. Pas d'ici passons, hallucination, passe ici pauvre con, te faire pardonner. Artistique à fond, clarifie mon nom, bac plus 600 sons, je vais te cartonner. Moucheron. Ça paiera en France, celui qui a des doutes qui l'appelle chez moi. J'ai pris de l'avance les mecs, s'il vous plaît rentrez chez vous. Entraînez-vous, j'ai que 23 piges, je repasse dans 2-3 piges. Pour ceux qui veulent un autre rendez-vous, m'entendez-vous? Ouais, je crois que le message est c'est pas. Fais un doigt pépère noir, si un doigt c'est percé moi. Si ma voix s'énerve c'est là, oui de la scène 6 milliards. Je suis pas sain, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un chien, rien que je bois. Je suis pas bien mais je suis là. Mais un vieux son funk, que les anciens dansent le milieu. Pendant que je roule un putain de blunt, j'écris des punchs, je me prépare à baiser. Rap. Moi je tente le tout pour le stoop. Des fois je doute mais je me prie d'y croire. Et je garde espoir, j'en reste pas là. Que ça marche ou que ça marche pas, moucheron me teste même pas. Texte verglas, les mots glissent tout seul. J'ai les flics sur mon cul et les filles sur mon zeub. Oh. Moucheron. Apprécie garçon, scarification, agonisation, trafic illicite à bon. Activiste, j'initie, milite contre les milices, abolisation. La police n'a pas la police, je les irrite, les élimine dans le fond. Rectification, je suis en mode extermination, détermination. On nique l'administration, pacifiste, bah non. C'est rien coca, whisky, glaçon, pour pas l'ici passons. Ouais, chez nous, la barre qui flippe à fond. Pas le cynique, j'apprends, match ici le bafond, mardi si partons. Attends, je plastifie la zone. Maté s'y va fondre, mais monte glace, tu gèles le cul. Alpiniste en tongue, c'est toujours pas l'ici passant. Organisation, si t'as besoin de trois papiers, falsification. Pour les concerts, amène ta go en bar et du talon. Participation, elle va voir le rarissime moucheron. Les moucherons.